Tous les jours, dès que Mademoiselle Fischer sortait pour dîner, Wenceslas allait chez la baronne. Il y passait une ou deux heures, excepté le jour où la bête venait chez sa cousine Hulot. Cet état de choses dura pendant quelques jours. Le baron, sûr des qualités et de l'état civil du comte de Steinbock, la baronne heureuse de son caractère et de ses mœurs, Hortense fière de son amour approuvé, de la gloire de son prétendu, n'hésitait plus à parler de ce mariage. Enfin, l'artiste était au comble du bonheur quand une indiscrétion de Madame Marneff mit tout en péril. Voici comment. Lisbeth, que le baron Hulot désirait lier avec Madame Marneff pour avoir un œil dans ce ménage, avait déjà dîné chez Valérie, qui de son côté, voulant avoir une oreille dans la famille Hulot, caressait beaucoup la vieille fille. Valérie eut donc l'idée d'engager Mademoiselle Fischer à pendre la crémaillère du nouvel appartement où elle devait s'installer. La vieille fille, heureuse de trouver une maison de plus où aller dîner et captée par Madame Marneff, l'avait prise en affection. De toutes les personnes avec lesquelles elle s'était liée, aucune n'avait fait autant de frais pour elle. En effet, Madame Marneff, toute aux petits soins pour Mademoiselle Fischer, se trouvait, pour ainsi dire, vis-à-vis d'elle, ce qu'était la cousine bête vis-à-vis de la baronne, de M. Rivet, de Crevel, de tous ceux enfin qui la recevaient à dîner.